Chapitre 5e. Siddhartha avait laissé au roi un mois pour s'exécuter. Un mois, cela donnait le temps de respirer. Les premiers jours furent tout au bonheur d'être débarrassés d'une obsession terrible. Gandhérab IV avait repris le sommeil et l'appétit, il se sentait revivre. Les promenades en bateau, la nuit, avec musique et feux d'artifice, les chasses à cour, les chasses à l'affût, et dans le palais les danses de Bayadère, les fêtes se succédaient avec une agréable diversité. Cependant, lorsque le roi fit part à ses ministres de la demande de Kali, ceux-ci protestèrent en cœur contre de pareilles exigences. La raison à faire valoir était nombreuse. Le ministre des Finances déclara qu'il donnerait plutôt sa démission. Gandhérab IV éprouva le désir subit de lui faire couper la tête. Il oubliait toujours dans son premier mouvement le résident britannique. Toutefois, sa colère se calma promptement. Car au fond, il partageait la répugnance de son premier ministre pour les dépenses inutiles, mais il avait donné sa parole et redoutait de rompre en visière à la divinité tutélaire du royaume. Que faire? Il est quelquefois permis de ruser, même avec les immortels. On pouvait peut-être trouver un biais, mais lequel? Heureusement, le prêtre de Krishna était un homme à ressources. Sur son conseil, le roi fit venir Siddhartha. Il ne le reçut pas sur la terrasse, cet endroit était fatal. Ni dans l'intérieur du palais, on ne sait quel sort le fakir aurait pu jeter sur les murailles. L'entrevue eut lieu au milieu d'une pelouse, dans le jardin qui précède la façade occidentale. Le roi, qui ne tenait pas un tête-à-tête, à qui d'ailleurs il fallait des témoins, s'était entouré de tous ses ministres, parmi lesquels, dès son arrivée, Siddhartha découvrit l'auteur du complot, l'abhorré prêtre de Krishna. Et même ce fut ce dernier qui prit la parole au nom du roi. Tout le monde était assis en demi-cercle sur des tapis à gauche et à droite de sa majesté, qui trônait sur un divan de velours. Siddhartha et Laxman se tinrent debout. « Frère, dit ce dernier après un préambule, le grand roi trouve la requête de la bonne mère juste, légitime et convenable. Il est prêt à exécuter sa promesse. Mais comme il s'agit d'une somme considérable et que les intérêts de l'État sont en jeu, il lui parut convenable de s'entourer de toutes les garanties. Or, si, comme on l'assure, le seigneur Shiva prend lui-même cette affaire en main, il n'aura pas manqué de fournir à son messager les moyens de se faire reconnaître comme tel. » En prononçant ces paroles, Laxman se tourna vers les ministres, qui eurent un murmure d'approbation. Il reprit. Le roi demande un signe. « Frère, es-tu préparé à le fournir ?» Siddhartha jeta un regard de mépris sur l'homme qui se faisait l'instrument d'une machination diabolique et s'inclinant devant le roi. « Sire, je ferai au nom de mon maître et à son service tout ce qui sera juste et raisonnable. »« Très bien, » reprit Laxman, dont les yeux pétillaient de joie. « Alors quel signe demanderons-nous aux serviteurs d'un dieu grand et redoutable ? Le seigneur Shiva, comme chacun le sait, est le souverain dispensateur de la vie. C'est lui qui détruit et qui reconstruit, qui fait mourir et qui fait revivre. Prêtre de Shiva, le signe que sa majesté te demande, c'est de quitter la vie. Quoi de plus juste et de plus raisonnable? Si l'époux de Kali est avec toi, tu peux mourir. Il trouvera moyen de te ressusciter. Alors sa majesté sera heureuse d'exécuter sa promesse. » Avec un geste gracieux et ironique, Laxman étendit la main vers le roi, qui sourit et dit « Je m'y engage, parole de roi. » Il y eut une minute d'agitation dans l'assemblée. On se regardait, on se félicitait tout bas. Et aussitôt l'attention se reporta sur Siddhartha qu'on estimait perdu. Chose étrange, à présent qu'il connaissait les conditions imposées par son adversaire, il avait l'air soulagé. Un sourire entr'ouvrait ses lèvres. Au milieu d'un silence profond, il dit au roi « Sire, vous avez juré, mon maître vous a entendu, il donnera le signe que vous exigez. « Je demande 8 jours pour me préparer à mourir. » Son assurance était parfaite. Avait-on affaire à un charlatan ou à un fou? Une stupeur s'était emparée des assistants. Chacun, cherchant à comprendre, regardait cet homme. Laxman était rêveur. « Sire, dit-il tout à coup, le serviteur de Shivaji a parlé en homme d'honneur. Et nul parmi nous ne doute qu'il ne sort triomphant de l'épreuve que votre sagesse lui impose. » Mais pour que personne ne puisse soupçonner un artifice, il importe que cette épreuve se fasse en public, et dans des conditions rigoureuses. Si votre majesté le permet, Le roi fit avec la main un geste d'assentiment. « Je demanderai que le tombeau du fakir soit creusé ici même et qu'il n'en sorte qu'au bout d'un mois. » Tous les regards se portèrent instantanément sur Siddhartha. Le roi l'interpella. « Mon père, on vous fait des conditions sévères. Est-il en votre pouvoir de les accepter? Prenez garde à ce que vous allez répondre. Je vous déclare que je veillerai à la stricte exécution du traité. Ici même, je ferai creuser la fosse où vous aurez à passer un mois entier. » L'ouverture sera scellée de mon sceau et des gardes feront sentinelle alentour. Si vous tenez la vie, vous êtes libre de vous dédire. Si par aventure vous acceptez le défi et que Shiva vous fasse sortir vivant de la tombe, non seulement les 10 lacs que vous avez demandés seront à votre service, mais on vous rendra tous les honneurs que votre âme peut souhaiter. Dites, que décidez-vous ? Un sentiment d'admiration et de pitié s'éveillait dans le cœur du roi. On sentait à la chaleur vibrante de ses paroles qu'il eût voulu sauver le fakir. Celui-ci ne fit pas attendre sa réponse. Se tournant tour à tour vers le roi et vers le prêtre de Krishna, d'une voix émue mais ferme, il s'exprima comme suit. « Sire, il est au pouvoir de Shivaji et de sa céleste épouse de confondre la méchanceté des hommes. Dans 8 jours, je serai ici. En votre présence, j'entrerai dans les mystérieuses avenues de la mort et vous me ferez mettre au tombeau. Qu'est-il besoin de votre sceau et de vos gardes? Faites semer de l'orge sur ma tombe. Quand elle aura mûri, le prêtre de la bonne mère viendra lui-même, en votre présence, me rendre la vie. J'ai dit. » En achevant de parler, Siddhartha s'inclina. Puis il tourna sur ses talons et s'en alla, lentement, sans regarder derrière lui. Un frisson avait parcouru l'assemblée. Tout le monde se leva d'un bond. On entoura le prêtre de Krishna, on l'interrogeait. Il haussa les épaules. Prétendre sortir vivant de la tombe après 3 mois et d'un imposteur ou d'un fou? Dans le premier cas, il quittera le pays. Dans le second, c'est un homme mort. Croyez-moi, quoi qu'il arrive, on n'entendra plus parler des exigences de la bonne mère. Le roi secoua la tête, et plusieurs de ses ministres secouèrent la tête après lui. Qui savait jusqu'où s'étendait le pouvoir de Shiva ?